Chapitre 30e. Le mourant veut parler. Ce fut une stupéfaction profonde dans Paris, le Paris qui s'occupe d'armes, quand on apprit que le merveilleux duelliste, l'imbattable comte de la Guérinière, avait reçu en pleine poitrine un terrible coup d'épée d'un paisible usinier du Nord, d'un sucrier. Être battu par une mazette pareille valait être battu deux fois. Et comme le disait la blague parisienne qui ne perd jamais ses droits, il allait probablement mourir d'un coup de betterave. Il y eut au petit hôtel que le comte occupait près de l'avenue du Bois un long défilé d'amis, de curieux, de camarades d'escrime, qui venaient aux nouvelles et déposaient leurs cartes, car on ne recevait absolument personne. Les reporters furent affolés ce jour-là. C'était une affaire sensationnelle au plus haut point, un événement très parisien. Cependant, il leur était impossible d'avoir des détails précis. Du côté du comte, porte close hermétiquement. D'ailleurs, on ne pouvait interviewer un homme sur le point, probablement, de mourir. Et du côté de l'usinier, rien à espérer non plus. La betterave avait disparu. Il fallut aller dans les départements du Nord interroger les usiniers s'appelant Mathieu, et auprès de ces betteraves, on fit chou blanc. Mais notre monsieur Mathieu n'avait pas quitté Paris. Il avait seulement demandé, pour précisément échapper à toute interview, asile au docteur Robert qui voulut bien l'assister et à l'avocat Raoul, ami de l'un de ses témoins. Les frères Montreuil, très cordialement, répondirent à sa demande et mirent, comme ils le désiraient, leur appartement chez leur mère à sa disposition. Ainsi, il se tenait à peu de distance de son adversaire, et par le téléphone qui se trouvait dans l'appartement, il pouvait recevoir du docteur Robert de temps en temps des nouvelles du blessé. Robert avait offert sur le terrain son concours à son confrère qui assistait le comte de la Guérinière. Celui-ci l'avait accepté avec reconnaissance. Tous deux maintenant se tenaient auprès du lit du blessé, qui, ramené chez lui, reposait dans un état des plus graves. Il vivait encore, mais sa vie ne tenait qu'à un fil. Sa forte constitution seule luttait contre la mort. Toutefois, il suffisait d'un rien maintenant pour que l'âme s'échappât de ce corps robuste, superbe, mais frappé à la source de la vie. La blessure était des plus graves. Par un miracle étonnant, le comte n'avait pas été tué sur le coup. À quelques lignes plus loin, l'épée de la betterave lui traversa le cœur. Elle était entrée sous l'aisselle droite, car cette fois encore le comte avait tiré avec la main droite. Par une de ces chances qui surprennent dans tout duel, l'épée, ayant perforé une partie du poumon, glissa sous l'omoplate, en avant de la colonne vertébrale. Si l'épée était passée après la colonne vertébrale, il s'en fallait de rien pour cela. Les deux poumons étaient traversés et le cœur atteint infailliblement. La blessure était donc très dangereuse. Telle qu'elle apparaissait, les médecins cependant ne désespéraient pas de leur malade. On assista alors à un spectacle spécialement magnifique. Ceux qui en connaissaient les dessous dramatiques purent en apprécier le tragique exceptionnel. On vit le docteur Robert à qui, par courtoisie, par condescendance pour sa science, sa renommée, le jeune médecin amené par les témoins du comte cède à sa place. On vit, dis-je, le docteur Robert Montreuil lutter de tout son savoir pour arracher à la mort cet homme, ce blessé, ce mourant, ce comte de la Guérinière. La situation ne manquait pas de grandeur. En ce moment, la vie de cet homme qui avait plongé Robert Montreuil dans un deuil affreux se trouvait entre les mains du docteur Robert. Et le docteur Robert employait tout son savoir à faire vivre cet homme, qu'il croyait être l'assassin de son père. On avait, après un pansement sommaire fait sur le terrain, transporté avec des soins infinis le blessé chez lui, selon la volonté expresse des témoins. Robert eût voulu qu'on le transportât dans une clinique, mais les témoins refusèrent. D'ailleurs, l'hôtel du comte était tout près, et le blessé n'aurait peut-être pas pu supporter un plus long trajet. Le docteur s'inclina. Il envoya chercher par son auto ses instruments de chirurgie et tout ce qu'il fallait pour soigner le blessé comme il convenait. Toute la journée, sans s'en écarter d'une seconde, il demeura au chevet du comte de la Guérinière. Après le pansement qu'opéra le docteur Robert avec un soin admirable, une adresse merveilleuse, le comte parut éprouver un peu de soulagement. Il ressentit l'effet des injections de caféine qu'on lui fit et finit par ouvrir les yeux. Reconnut-il ceux qui se tenaient auprès de son lit? Peut-être. Son regard se porta sur le docteur Robert, s'attacha à lui. « Merci, » murmura le blessé. Pardon. » Et il retomba dans cet état de torpeur qui tenait vraisemblablement déjà plus du coma que du sommeil. Lucette Minois, la maîtresse du comte, la cause première de ce duel tragique, fut aussitôt prévenue du malheur. Elle accourut en toute hâte et se fit garde-malade. Lucette Minois aimait le comte comme une femme de théâtre aime son amant, parce qu'il n'était pas vilain garçon, qu'il avait un nom sonore, qu'il était amusant, qu'il lui donnait beaucoup d'argent, et que ça rendait jalouse bien des camarades de le voir avec elle. Le comte lui aimait Lucette Minois plus sincèrement qu'on ne le supposait, plus profondément qu'il ne semblait. Il fut heureux de la sentir là, auprès de lui. La chambre du blessé était vaste, luxueusement meublée. Ce n'était pas précisément la chambre hygiénique moderne de l'homme de sport, mais la chambre ouatée, feutrée, confortable, de l'homme riche qui fait d'elle un logis retiré, discret, commode, un appartement spécial dans son appartement. D'épais tapis couvraient le parquet, assourdissaient les pas, de lourdes tentures aux murs, aux portes, empêchaient tout bruit de pénétrer jusqu'ici. Vers le soir, le comte de la Guérinière parut regagner un peu de force. « Nous le sauverons, c'est presque certain, » put dire le docteur Robert à Lucette Minois. « Reprenez bon espoir. » Le comte put même parler. Il avait maintenant recouvré toute sa présence d'esprit, toute son intelligence. « Ah, vous êtes là, docteur Montreuil. Donnez-moi un peu de force encore. Faites-moi vivre une heure. J'ai à vous parler. Il faut que je vous parle. » « À moi ?» dit Robert, anxieux. « Oui, à vous, Robert Montreuil. Et si votre frère Raoul pouvait m'entendre, je serais plus heureux encore. » Ces paroles causèrent à Robert une vive émotion. Plus bas, plus faiblement, le blessé ajouta « Mais il faut, docteur, que nous soyons seuls, que personne ne puisse nous entendre, personne. » Robert, à l'école de Paulin Broquet, avait appris la méfiance. Il ne voulut pas se fier à un domestique du comte, ni mettre qui que ce soit de son entourage dans cette singulière confidence. Il chercha donc le moyen de prévenir son frère discrètement et promptement. Il avait prié un jeune docteur qui le secondait généralement de venir le rejoindre avec les instruments nécessaires pour le pansement définitif, lui recommandant d'amener un ou deux infirmiers. Or, l'un de ces infirmiers n'était autre que le clown Simon, qui sut se faire reconnaître. À défaut de domestique sûr, c'est à lui naturellement que Robert confia le soin de prévenir Raoul. D'ailleurs, dans la maison, on sentait un trouble extrême. La blessure du maître, sa mort prochaine, à la rigueur, pouvait expliquer cet émoi, cette perturbation. Mais il y avait autre chose. Un va-et-vient continuel, des conciliabules de domestiques avec des gens du dehors, et bien qu'on eût défendu tout accès dans l'hôtel, il se faisait des entrées fortuites de visiteurs étranges. De cela, Robert, tenu constamment auprès de son malade, ne se doutait en aucune façon. Mais il crut bon, pour de multiples raisons faciles à comprendre, de donner de préférence à Simon cette mission de prévenir Raoul, sous prétexte d'aller quérir quelques nouveaux médicaments. Lucette Minois aurait voulu rester auprès de son amant, mais elle n'avait pas de doublure au théâtre et le coup avait été si imprévu que personne ne pouvait la remplacer. Elle ne pouvait manquer la représentation, ne pas aller jouer. Robert lui donna d'ailleurs l'assurance que le comte, quand elle reviendrait du théâtre, serait encore un peu plus valide. Elle se décide alors à se rendre à Lutetia, promettant de revenir dès la fin de la représentation. Naturellement, au théâtre, si on ne vit pas le comte de la Guérinière, on n'aperçut pas non plus la betterave. Or, ce soir, la salle était archi-comble. Le public badaud voulait voir Lucette Minois, pour qui on s'était battu, la divette, cause de cette tragique rencontre. Les reporters n'ayant rien obtenu chez le comte de la Guérinière, et n'ayant pas découvert M. Mathieu, le vainqueur, se rabattaient sur la jolie chanteuse. Ils assiégeaient sa loge, et Lucette Minois répondait de son mieux, à la fois très peinée de ce qui arrivait à son amant, et très contente de la réclame que cela lui faisait. Raoul fut rejoint par Simon à l'hôtel Montreuil. Il était venu voir l'usinier à qui il accordait l'hospitalité dans cette journée dramatique et par le téléphone voulait savoir ce que faisait son frère et comment allait le blesser. En pénétrant dans son appartement, Raoul s'étonna de ne pas voir son valet de chambre, Marcelin, qui devait se tenir à la disposition de son hôte. « Ne vous souciez pas de lui, » dit simplement l'usinier. Marcelin s'occupait de moi. Il faisait très bien son service. Je l'ai envoyé en course. Robert, quand il chargea Simon de prévenir Raoul, lui demanda d'apporter pour lui en revenant des mouchoirs, ayant ce matin, en partant pour assister l'usinier, oublié de s'en munir. Raoul voulut en prendre de l'armoire à linge de son frère, mais l'armoire était fermée à clé, et la clé ne se trouvait pas dans la serrure. « Robert l'a emporté, sans doute, » fit-il. « Je m'en étonne, car il ne le fait jamais. » « Il a dû, » dit la betterave, mettant la clé dans sa poche, croyant y glisser les mouchoirs. « Probablement, il est si distrait. Je lui apporterai des miens. » L'usinier souriait dans sa barbe blonde. « On a parfois de ces distractions, » murmura-t-il. « Et ensuite, on est très étonné, très étonné. » La betterave ne voulut pas abuser plus longtemps de l'amabilité des frères Montreuil. Il manifesta le désir de se retirer. Raoul et M. Mathieu quittèrent donc l'hôtel Montreuil. Ils allèrent rapidement dîner dans un restaurant de l'avenue de la Grande Armée. Puis, le jeune avocat, abandonnant l'usinier qui devait prendre le train et rentrer chez lui dans le Nord, se rendit chez le comte de la Guérinière à l'heure que lui avait assignée Robert. Car le comte reposait, et ne se réveillerait qu'assez tard dans la soirée. On fit quelques difficultés pour laisser pénétrer Raoul dans le petit hôtel du comte. Il fallut que l'aide de Robert vînt de la part du blessé le prendre pour le conduire jusque dans la chambre à coucher. Depuis un moment, le comte de la Guérinière s'était réveillé. Les docteurs lui firent prendre quelques nourritures, des réconfortants. « Je vais beaucoup mieux, » dit-il à Robert. « Du moins, il me semble que je vais mieux. Donnez-moi maintenant des forces, oui. » Des forces, j'en ai besoin. » Quand Raoul parut, il lui sourit. « Merci d'être venu, monsieur, » dit-il. Les deux frères regardaient avec étonnement cet homme qui, croyaient-ils, avait assassiné leur père, cet homme qui pour eux était l'image du crime, cet homme hardi, fort, contre qui luttait avec tant d'ardeur Paulin Broquet. Et ils voyaient avec un étonnement profond un être pantelant, défait, plaintif, suant la fièvre, grelottant, qui ne tenait presque plus à la terre. Était-il possible que l'approche de la mort eût fait cela d'un si magnifique lutteur, et que cet homme fût ainsi changé, que rien ne restât de tant d'énergie, de tant de courage, mal employé, d'accord, mais merveilleux? Zygomar vaincu mourait en faible, non comme on l'eût pensé, magnifiquement dans l'horreur, la rage, le blasphème, dans une splendide apothéose du crime. C'était ici l'agneau abattu, non le tigre qui mord la lance dont ses flancs sont percés et combat jusqu'à son dernier souffle. Mais n'était-ce pas une comédie adroite que jouait ce misérable? N'avait-il pas imaginé cela pour attirer chez lui les deux frères et leur vendre terriblement son dernier souffle, triompher quand même en mourant et rendre l'âme en vrai bandit, dans la sinistre gloire d'une atroce et suprême vengeance?